Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Super chouette. Oui, aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un volatile insaisissable, un rapace introuvable, un oiseau de nuit pas comme les autres, la chouette d'or ou la chasse au trésor, la plus longue des temps modernes. En avril 1993, un homme enterre, quelque part en France, la copie en bronze d'une chouette de 50 cm, dont l'original est estimé à 1 000 000 francs. Un mois plus tard, il publie un livre appelé « Sur la trace de la chouette d'or », manuel en forme de jeu de piste en 11 énigmes. La règle est simple, celui ou celle qui trouve l'endroit où gît la copie gagnera l'original. Alors, la chasse est ouverte. En France, bientôt, ils sont des milliers à rêver de mettre la main sur l'oiseau précieux, des milliers aussi à creuser des trous dans le sol, aux quatre coins de la France, sans résultat, et les chadocs pompés. Chose incroyable, 25 ans plus tard, personne n'a déterré le volatile, et ici et là, on le cherche encore. Et pour combien de temps? Et puis, qui est ce Max Valentin qui a déclenché cette douce folie collective? Et qui sont ces chercheurs d'or sans Far West, ces envoûtés de l'énigme, ces obsédés du trésor? Quel est donc ce besoin qui les pousse à occuper leur temps libre, à résoudre des devinettes infernales? Notre invité aujourd'hui, Patrick Schmoll, anthropologue, docteur en psychologie, ingénieur de recherche au CNRS à l'Université de Strasbourg et ancien chercheur de la chouette. Il est d'ailleurs l'auteur du livre intitulé « Chasseur de trésors, socio-ethnographie d'une communauté virtuelle » paru en 2007 chez Néotech. Il nous attend à Strasbourg dans les studios de France Bleu Alsace. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 24 avril 1993, à 3h30 du matin, quelque part dans la campagne française, une silhouette évolue péniblement sur un chemin caillouteux. C'est un homme, et il est très chargé, voire encombré. Il transporte une pelle, une pioche, une bâche, et surtout un coffre contenant un objet mystérieux d'une dizaine de kilos. Le marcheur s'éloigne de sa voiture, qu'il a garée dans un coin, et il s'enfonce dans l'obscurité. L'air est frais, tout est silencieux. L'homme évite d'utiliser sa lampe de poche, il veut rester discret, et puis la nuit est plutôt claire, et il connaît bien le terrain. Il a déjà repéré son itinéraire de jour, et il a même laissé une marque discrète à l'endroit précis qu'il convoite. Lui seul doit connaître le lieu, et il ne veut rien laisser au hasard. Au bout de plusieurs dizaines de minutes, il arrive à destination. Il allume sa lampe de poche, quelques secondes, oui, c'est bon, c'est bien là. Il pose son barda et laisse échapper un soupir de soulagement. Pas question de traîner en effet, le bougre a du pain sur la planche. Il prend la pelle et l'enfonce dans le sol. Plus tard, il racontera qu'à ce moment, au loin, une chouette a ululé. La légende est en marche, mais le sait-il? Passé la couche d'humus, l'homme sent une résistance au bout de sa pelle. La tâche s'annonce plus difficile que prévu. Mais le garçon est coriace, on l'aura compris. Pendant 3 heures, il se démène. Il enchaîne les coups de pioche, de pelle, il transpire, mais ne faiblit pas. Peu à peu, les cailloux giclent, la cavité s'agrandit, l'homme jubile. Au bout de 3 heures, donc, la fosse est terminée. 70 cm de large sur 1 mètre de long pour 80 cm de profondeur. Le moment est solennel et la cérémonie a des airs de funérailles clandestines. L'homme saisit le coffre, le contemple une dernière fois. Il jette même un ultime coup d'œil à son contenu, une statuette en bronze en forme de chouette. Ah, l'objet d'allure, un instantané capté par l'artiste, ce moment furtif précédant l'envol, les ailes déployées, le regard perçant, le volatile semble déjà inaccessible. Notre homme sait bien qu'il s'agit d'un double, une copie réalisée dans un matériau moins noble. L'original, lui, est encore plus extravagant, fondu avec des kilos d'or et d'argent. Ce prototype dort dans un coffre gardé par un huissier. Il est destiné à celui ou celle qui trouvera la relique en bronze. « Oui, elle en jette, cette chouette !» pense l'homme. « Ce n'est pas lui qui a conçu l'objet, mais un ami artiste, Michel Becker. » Celui-ci expliquera, quelques mois plus tard, sur France Inter, au micro de Jean Lucas, la réalisation de la sculpture. On est estimé à plus d'un million de francs. Dans ce genre d'objet, c'est une pièce de joaillerie assez exceptionnelle, puisqu'elle est grandeur nature, elle fait donc 50 cm d'envergure. C'est de l'or Oui, il y a 3 kilos d'or dedans, il y a 10 kilos d'argent, il y a 500 diamants. Il y a des vrais diamants. Des vrais diamants, oui, des vrais diamants. Mais taillés, c'est vous qui avez fabriqué la bête. Bon, ça a été pour moi la grande découverte, une découverte d'ailleurs passionnante, c'est que moi je suis parti sur des esquisses, j'ai travaillé sur la cire qui a servi à couler les premières parties de la chouette. Mais derrière moi, on travaillait des joailliers, des fondeurs qui ont eu des gros problèmes parce que je leur ai fait fabriquer une pièce de très grande dimension, ce qui est tout de même pas fréquent non plus. Et puis j'ai fait travailler également des lapidaires, des sertisseurs. Après, il a fallu souder l'or sur l'argent. J'ai fait venir un socle d'Afrique, un socle en zoïsite. C'est une superbe pierre verte dans laquelle sont contenus des centaines de rubis. C'est la broche mère du rubis. Et puis, donc, tous ces artisans ont travaillé dessus avec une égale passion et un égal talent. Et alors, attendez, Michel Becker, vous l'avez enterré, ou alors Écoutez, c'est dommage, j'étais sur le point de vous le dire, mais voilà, je me suis ressaisi. Pour l'heure, dans la nuit printanière, au milieu des bois ou d'une prairie, sur un plateau ou dans la montagne, allez savoir, l'homme qui creuse s'apprête à enfouir la chouette. Il se dit qu'il va la revoir d'ici un an ou deux, peut-être trois, enfin, le temps que les esprits les plus perspicaces décodent la série de 11 énigmes qu'il a conçues quelques semaines auparavant. Il pose délicatement le coffre dans le trou, il rebouche et plante dans la terre meuble un petit arbuste. Voilà. Ce 24 avril 1993, dans ce lieu inconnu, les premiers rayons de soleil éclairent le paysage. Une lumière que notre homme redoute, car il ne peut pas être repéré. Le dos en compote, les reins en marmelade, des calomins, de la boue sur les vêtements, il regagne sa voiture et disparaît aussitôt. Maintenant, ne me demandez pas où se trouve le site, aujourd'hui encore, personne ne l'a trouvé. Pendant les années qui suivent, notre homme se fera appeler Max Valentin, et la grande énigme qu'il a conçue, celle de la chouette d'or, vient de débuter. Alors à nous de chercher également. Entrons dans ce labyrinthe où nous rencontrerons des chercheurs passionnés, des épouses fatiguées, un créateur mystérieux, un service Minitel pris d'assaut et un peintre excommunié. Et au milieu de tout cela, dormant dans son coffre, l'inaccessible oiseau, à la fois centre du récit et trou noir géographique. Un mois après l'enfouissement, en mai 93, un petit ouvrage d'une quarantaine de pages fait son apparition dans la librairie. Il est intitulé « Sur la trace de la chouette d'or », signé Max Valentin et Michel Becker. Il contient les 11 rébus, charades ou paraboles, accompagnés d'illustrations, 11 peintures surréalistes, colorées, bourrées d'indices et de fausses pistes, des toiles créées spécialement par Michel Becker, l'artiste qui a également conçu la sculpture, la chouette. Ce livre est la clé, l'alpha et l'oméga, le point de départ de la recherche et son aboutissement. Le principe, oh, il est vieux comme un jeu de piste. Une énigme résolue mène vers un site sur la carte de France. Et d'étape en étape, on finit au bout du livre par localiser un point précis, l'endroit où Max Valentin a enterré le volatile. Le problème, car il faut qu'il en ait un, c'est un jeu, c'est que les indications sont cryptiques, comme le montre l'énigme d'ouverture de l'ouvrage. Ouverture. Mon premier, première moitié de la moitié du premier âge, précède mes seconds et troisièmes, cherchant leur chemin. Mon quatrième s'inspire, mon cinquième est en rage. Mais sans protester, suis mon quatrième et l'alpha romain. Mon sixième, aux limites de l'éternité, se cache. Mon septième, dressé, crache son venin. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devins. Les indices alambiques et la perspective de trouver un vrai trésor attirent de nombreux curieux. La première édition du livre est vite épuisée. Des centaines de lecteurs se lancent alors sur la traque de la chouette. Bientôt, on les appellera les chouetteurs. Parmi tous ces chercheurs de la première heure, il y a Michel, alias Mickey, un personnage haut en couleur. Passionné d'aventure et fonctionnaire, ce qui n'est pas incompatible, il collectionne les compteurs Gégère, les carcasses d'ordinateurs, les lasers médicaux et les livres de survie. Un jour, dans une librairie, le petit livre à la chouette lui fait de l'œil. Il se souvient parfaitement de ce moment, comme il le raconte sur France 2 en 1995. Ça, c'était le premier recueil d'énigmes. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a que le Minitel. Donc j'ai toutes les premières cartes. Ça, c'est le livre, c'est le départ. Voilà, que j'ai acheté le 29 juillet 1993. Donc ça, je m'en souviens, c'était un vendredi. J'étais chez un libraire. Et clac, qu'est-ce que je vois? Bon, forcément, ça attire l'attention. Hein, on voit une chouette en or. Donc, ça a été le coup de foudre, quoi. Je me suis dit, ça y est. Et surtout, quand on feuillette un peu le livre, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a, par exemple, des rébus, des cryptogrammes, mais assez simples. On se dit, bah, ça y est, la semaine prochaine, je pars, j'ai la chouette, quoi. Pour de nombreux esprits joueurs, comme celui de Mickey, la découverte de la série d'énigmes est un défi à l'intelligence. Par exemple, si l'on revenons à la première énigme, la plus simple de tout le livre, il s'agit d'une charade. Mon premier, première moitié de la moitié du premier âge est la lettre B, première lettre du mot bébé. Et puis mes second et troisième, cherchant leur chemin, représentent le mot ou. Le quatrième renvoie à l'air, à hier, donc la lettre du même nom, R. Le cinquième, qui est en rage, mais qui suit sans protester mon quatrième, ainsi que l'alpha romain, représente la lettre G, qui est dans le mot rage, à la suite du R et du A. Le sixième, qui se cache aux limites de l'éternité, est la lettre E, qui commence et termine le mot. Enfin, le septième, qui dressé crache son venin, est la lettre S, parce qu'elle a la forme d'un serpent. À la fin de la charade, on arrive avec un mot. B, O, U, R, G, E, S, soit la ville de Bourges. Vous me suivez? Si oui, tant mieux. Sinon, rassurez-vous, j'ai aussi du mal à suivre. D'autant plus que ça se complique. Les énigmes deviennent au fil des pages toujours plus alambiquées. Elles renvoient chacune à des lieux différents, les fausses pistes se multiplient, les connaissances requises sont toujours plus pointues, et l'architecture non linéaire de l'ouvrage démultiplie les liens possibles entre les différentes solutions. Du ciel vient la lumière. Alors prête un arc à Apollon. De là, il comptera 1969,697 mesures vers le zénith. En une 46.241.860e fraction de jour sidéral, son trait s'abattra. Hâte-toi de trouver la flèche. Pour décoder les énigmes, il faut, si je puis dire, être curieux comme une chouette. Il faut collecter et traiter de nombreuses données, des informations culturelles, historiques, géographiques ou symboliques. Alors, les chouetteurs fouillent frénétiquement dans les encyclopédies à la recherche du moindre indice qui pourra les faire avancer. Après des heures à s'arracher les cheveux sur l'arc prêté à Apollon et la flèche qui va avec, les chercheurs accumulent différents points sur leurs cartes censés les faire avancer dans leur quête. La recherche de ces lieux transforme souvent les bureaux des chouetteurs en véritables cellules de crise, QG de campagne improvisée, tournées vers la recherche du rapace doré. Ils déroulent les cartes de l'IGN qu'ils épinglent sur les murs, avant de les recouvrir de lignes et de croix, une recherche qui tourne vite à l'obsession. Comme le rappelle ce chouetteur qui se fait appeler Montjoie, il s'exprime dans un reportage de France 2, diffusé le 4 mai 2013. 1 égale 530. 2, 3, 3 égale 470. Rien que le fait d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça attire l'attention. C'est un défi. C'est le problème de cette chasse, c'est que vous commencez, vous mettez le doigt dedans, et puis après ça vous prend tout le bras, et puis vous êtes complètement absorbé. Oui monsieur, ça s'appelle une addiction. Dès 1994, ils sont des milliers à y céder. Après de savants calculs, certains chouetteurs sont sûrs de détenir la solution lorsque toutes les lignes tracées convergent en un point. Le Graal semble alors à portée de main. Dans ce cas, direction le magasin de bricolage le plus proche et achat d'un détecteur à métaux et d'une bêche. Et puis on embarque pour un périple à travers le pays, promis à la gloire d'être le plus futé et la reconnaissance éternelle qui va avec. La caméra de France 2 suit mon joie et un acolyte sur la trace de l'oiseau. La pioche, et puis quelques outils supplémentaires. Mais je pense que là c'est bon, on va la trouver aujourd'hui. Hâte-toi de trouver la flèche. Oui. Donc là, tu vois, il y a une flèche. C'est à cet endroit-là qu'il faut s'arrêter en venant du chemin. Et là, tu as une rupture dans le muret, ça doit être là. Voilà. Bon. Pour vous, la chouette est... Elle est là, à 2 mètres là. Cette fois, pour en avoir le cœur net, le chasseur a loué un détecteur de masse. Si la chouette d'or est là, l'engin devrait sonner. Donc là, il y a le seau, là. Là, il y a ton seau. Il y a le seau, enfin, le seau que j'avais trouvé. Ça, c'est pas la chouette, Jean-Luc. Ça, c'est pas la chouette, ça. Malheureusement, en dehors d'un vieux seau rouillé, aucune trace de la chouette. Il y a déception, là, Jean-Luc ? Oui, un petit peu. Il y a toujours une partie de rêve, donc après, bah, quand on se réveille, il peut dire « Ah bah non, c'est pas là », c'est toujours désagréable, quoi, c'est clair. Un peu déçu, tu parles. Désespéré, oui. Les échecs successifs provoquent autant de trous dans le paysage que de frustration. Parfois, les épouses sont consternées, et puis certains abandonnent. Cependant, de nouveaux chercheurs arrivent sur le circuit et l'énigme de la chouette d'or réunit des adeptes toujours plus nombreux. Face à l'affluence et aux difficultés de la recherche, Max Valentin sent qu'il y a un nouveau coup à jouer, une communauté à réunir, une traque à entretenir. Quelques mois à peine après l'apparition du livre, le créateur de ce jeu de pistes met en place un moyen de répondre aux nombreuses questions des chercheurs de la chouette. En 1994, Internet n'est pas encore démocratisé, mais on dispose en France d'un fleuron technologique que beaucoup nous envient, le Minitel et ses inoubliables adresses en 3615. Au milieu des années 90, le Minitel équipe 6,5 millions de foyers français. L'indicatif du 3615 donne accès à des serveurs commerciaux facturés environ 1 franc par minute. L'utilisateur doit donc allumer son Minitel, puis décrocher son téléphone et composer les fameux 4 chiffres 3615. Il entend d'abord une tonalité aiguë, puis appuie sur la touche « Connexion fin » de son clavier. Il peut alors raccrocher, la communication devient purement télématique. Une page d'accueil s'affiche dans un monochrome sobre, vert et noir. L'utilisateur n'a plus qu'à composer le code du service désiré avec toutes les chances, s'il fait une fausse manœuvre, de tomber sur un site porno, le vrai trésor commercial du Minitel finalement. Enfin, pour la recherche de la chouette, Max Valentin met en place au début de l'année 94 le serveur 3615 Maxval. Le 3615 Maxval est donc un service de questions-réponses. Le chouetteur inquiet envoie sa requête et Max Valentin, depuis son bureau, y répond 7 jours sur 7, full-time job. Le plus souvent, celui-ci donne des indications évasives dans la lignée des énigmes du livre. En tout, il répondra à 38 152 questions et les chouetteurs se ruent sur ce nouveau service. Ces derniers créent même un néologisme pour désigner la parole télématique du maître, les Maditz, contraction de Max a dit, eux-mêmes sujets à interprétations diverses et controverses. Ligne. Max, quelle différence faites-vous entre un trait et une ligne ? Pouvez-vous en donner une définition dans le cadre du jeu ? Merci de répondre. Amitié, JC. Un trait ou une ligne, dans le cadre du jeu, c'est la même chose. Sauf lorsque trait veut dire flèche. Comme dans l'énigme 420 par exemple. Amitié, Max. Ainsi comme un oracle, Max Valentin répond à toutes les questions, y compris celles qui portent sur les fausses pistes. Alors les hypothèses explosent. Ils sont des milliers à lui envoyer des lettres censées contenir la solution. La chouette, elle, dort sur ses deux oreilles, cernée comme ses yeux. En tout cas, avec les Maditz, ces indices télématiques, le mystère s'épaissit. Alors, où se trouve-t-il, ce volatile ? Au fin fond de la Bretagne ? Dans les Vosges ? À côté d'un petit ruisseau dans le Cantal ? Sur un territoire aussi grand que la France, la recherche ne peut que s'installer dans le temps. Travail de bénédictin. les sweaters, empile des kilos de doc et des milliers de théories. Et puis, qui est ce Max Valentin? À ce moment du récit, seul Michel Becker, son associé, connaît son identité réelle. Mais que sait-il vraiment de lui? En tout cas, grâce à la popularité du jeu, Max Valentin se permet quelques sorties médiatiques, comme ici sur France Inter, où il analyse le phénomène qu'il a créé. Ça devient très vite, comme disent les anglo-saxons, un trip d'ego. C'est-à-dire, on oublie, les gens oublient la valeur de la chouette pour ne plus s'intéresser qu'aux énigmes et être les premiers à les résoudre. Et j'en veux pour preuve que beaucoup de chercheurs, et je crois qu'ils sont honnêtes quand ils me disent ça, prétendent que s'ils trouvaient la chouette, ils iraient la réenterrer ailleurs et relancer le jeu. Parmi les chercheurs, des professeurs, des médecins, des hommes politiques et même un chef d'État. Mais tout ce beau monde se cache sous un pseudo. C'est le cas de ce romancier parisien qui se fait appeler Dr. Jones. Là, j'y passe un peu moins de temps, mais il y a eu un moment, c'était effrayant, au point de se réveiller la nuit parce qu'on a eu une illumination fulgurante. Et il y a eu un moment, c'était 6-7 heures par jour. Et je vais vous dire, ça a une vertu formidable, c'est que tout à coup, on regarde pas la télé. There's a star outside my window, I can see it clearly shine. Je ne trouve pas mon ami, la chouette se joue de la nuit. There's an owl in the woods, I can hear it moan low. Je ne trouve pas mon ami, la chouette s'est évanouie. Row, rock around you, oh, oh. Row, rock around you, oh, oh. Can't escape. On dénombre environ 15 000 personnes à la recherche de la chouette d'or de Max Valentin. Pour tous ces gens, le premier mystère autour de la chasse est bien celui de l'identité de son créateur. Parce que chercher la chouette, c'est aussi partir à la rencontre de l'inventeur des énigmes, ses charades et autres rébus qu'on finit par connaître par cœur. Pendant toute la vie de Max Valentin, le secret sera bien gardé. Personne ne connaîtra son nom, ni son passé. Le concepteur, comme le trésor, participent ainsi d'une même essence. Tous les deux sont cachés. Pendant longtemps, de nombreuses rumeurs ont circulé au sujet du mystérieux Max. On l'a décrit comme vedette du showbiz ou richissime excentrique. En vérité, derrière ce pseudonyme opère un professionnel du marketing et de la communication nommé Régis Hauser, H-A-U-S-E-R. Lunettes fumées, barbe fine, l'homme organise dans les années 70 des rallyes surprises pour les entreprises. Il organise également des séminaires en forme de chasse au trésor, tiens donc, qui se jouent sur un ou deux jours. Dans les années 80, il écrit quelques ouvrages de marketing au titre évocateur, tels que « Concevoir et rédiger des mailings efficaces »,« Comment vendre par correspondance des produits, des idées, des services ». Mais l'homme a aussi l'esprit d'aventure, surtout depuis qu'il a entendu parler de Masquerade, une chasse au trésor inventée par un auteur anglais, Kit Williams. Celui-ci a écoulé plus d'un million d'exemplaires du livre contenant les énigmes et des dizaines de milliers de chasseurs britanniques se sont lancés à la recherche du pactole. Une idée germe alors dans l'esprit du consultant français en marketing, organiser une chasse au trésor made in France de grande envergure. En 1992, Régis Auzerre fait la connaissance de Michel Becker, artiste peintre. Très vite, les deux compères s'associent et mettent en place leur chasse à la chouette. Le peintre crée les visuels, la sculpture et emprunte 1 million de francs à la banque pour financer le projet. Il devient donc le propriétaire temporaire de la sculpture originale, le temps qu'un vainqueur se fasse connaître. Régis Auzerre, lui, devient Max Valentin. Il décide du lieu d'enfouissement et compose les énigmes pendant de longues semaines, comme il l'explique ici sur France Inter en 1997. C'est 8 mois de travail. Parce qu'il faut tout vérifier, il faut aller sur place, il faut tout revérifier. Voilà, ça prend beaucoup de temps, puis il y a l'écriture des énigmes et le peaufinage qui prend énormément de temps. Et vous partez de quoi? Vous partez de l'endroit où vous allez le cacher ou bien vous partez d'un point de départ pour aboutir à un lieu? Je pars généralement de la région, non pas de l'endroit parce que je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est un peu compliqué. Mais je cerne une région où je sais qu'il y a des beaucoup de terrains publics, parce que ça ne peut pas être sur une propriété privée, il faut obligatoirement que ça soit public. Je cerne cette région et puis je construis les énigmes à l'envers. C'est-à-dire je pars donc de la fin pour remonter à la première énigme. Vous vous amusez ou c'est parfois fastidieux? Ah bah c'est du travail, évidemment, mais c'est amusant également. Après cette phase de conception, arrive la dernière étape. Comme nous l'avons raconté, Max Valentin enterre la chouette en avril 1993, seul, sans rien dévoiler à Michel Becker. Alors pourquoi ce dernier a-t-il accepté d'emprunter 1 million de francs sans savoir où était caché l'objet convoité? Au milieu des années 90, grâce aux très bonnes ventes de son livre et au succès de son service Minitel, Max Valentin se rend compte qu'il avait vu juste. La chasse au trésor est une activité très rentable. Certaines marques lui proposent même de décliner le concept pour mettre en valeur leurs produits ou services. Ainsi, Microsoft, Hermès ou encore le Conseil Général de la Moselle font appel à lui. Pour eux, il compose quelques chasses au trésor simples, destinées à attirer de nouveaux clients ou des usagers. Au micro de France 3, en 2003, il explique les possibilités commerciales de ces aventures encadrées. Les chasses au trésor, c'est très souple. C'est un vecteur de promotion, mais qui s'adapte absolument à tout. À partir du brief du client, nous nous adaptons aussi. C'est-à-dire, on fait avec et on fait ce que le client nous demande pour répondre à ses besoins marketing, principalement. Mais il y a toujours un trou à la fin. La magie de faire une chasse au trésor, c'est d'aller creuser quelque part pour trouver un petit coffret, des pièces d'or, enfin, ou la contre-marque qui représente le trésor. Voilà. Peut-on pour autant résumer la recherche de la chouette à un simple produit d'appel? Une démarche marketing? Une histoire de gros sous? Peut-être. Mais pour de nombreux chouetteurs passionnés, c'est d'abord un formidable outil de connaissance de soi et du monde. Comme le rappelle celui qui s'est fait appeler Monglan, au micro de France 3 en 2003. C'est une chasse merveilleuse qui touche à des tas de domaines différents. On parle, il y a question d'art, de littérature, de physique, de chimie, d'astronomie, de musique, et sur tous ces thèmes, on a l'occasion, même si on a une assez bonne culture de départ, d'apprendre des milliers de choses. Et donc, ça nous permet de passer tout le temps qu'on veut, sans véritablement jamais s'ennuyer, si ce n'est que parfois, il est vrai qu'on aimerait bien arrêter un petit peu de chercher, et pour une fois, trouver. On en rêve la nuit. Mais ça, c'est dans la meilleure des hypothèses, c'est-à-dire quand on arrive à s'endormir. Parce que plus souvent, on y passe des nuits blanches, on y passe des week-ends entiers, on y passe même parfois plus que ça. Et il y a des périodes de chouettisme aigu, où véritablement, on ne dort pas beaucoup et on ne fait pas grand-chose d'autre à part travailler sur les énigmes. Au tournant du nouveau millénaire, ni Monglan ni personne n'a encore mis la main sur l'oiseau de nuit. À cette époque, l'informatique se développe à toute allure et les premiers forums Internet voient le jour. Peu à peu, les chercheurs de la chouette délaissent le Minitel et s'emparent de cette nouvelle technologie. En décembre 2001, une page se tourne. Le serveur 3615 Maxval ferme ses portes. Les souhaiteurs basculent définitivement sur la toile et des centaines de pages perso et de blogs dédiés voient le jour. Là, on se choisit un pseudonyme, on échange quelques indices, on s'espionne aussi parfois et des amitiés naissent ainsi que des haines féroces. Un réseau secret avec son langage, ses noms de code, ses clans. En octobre 2004, 11 ans après les débuts du jeu, des problèmes administratifs enrayent la machine. La société éditrice du livre est placée en liquidation judiciaire. Et puis, sacrilège ultime, le coffre qui contient la chouette d'or originale est saisi par le liquidateur. Max Valentin est inquiet, ainsi que les milliers de chercheurs derrière lui. L'avenir du jeu est compromis. Le créateur dépose donc un recours et la chasse au trésor se poursuit fébrilement. Mais 5 ans plus tard, le 15 janvier 2009, la Cour d'appel de Versailles ordonne la restitution de l'objet aux organisateurs. La chouette d'or revient donc à son propriétaire, le peintre Michel Becker, qui a financé la réalisation d'objets. Hélas, seulement 3 mois après, à peine après ce retour à la normale, un drame frappe la communauté. 16 ans jour pour jour après l'enfouissement de la chouette, le 23 avril 2009, Régis Auzer meurt à l'âge de 62 ans. Jamais il n'aura dévoilé son activité de créateur de chasse au trésor et son pseudo Max Valentin. Au micro de France 2, en 2011, l'un de ses amis, Philippe Doc, raconte. Pendant des années, Max Valentin est resté inconnu, donc personne connaissait ce visage-là. Non, et même, je vais vous dire quelque chose de saisissant, c'est que même lors de sa cérémonie d'obsèques, des gens de sa famille très très proches ont su que Max Valentin, c'était Régis Auzer, à ce moment-là. Donc c'est vous dire, il ne s'épandait pas là-dessus, quoi. Avec la mort du maître, de nombreux chouetteurs sont soucieux. La seule personne au monde qui connaissait l'endroit qu'ils recherchent tous vient de disparaître. Mais bon, en bon professionnel, Max Valentin avait tout prévu. Il aurait donné une enveloppe cachetée avec la solution à un huissier parisien et il aurait désigné des membres de sa famille comme ayant droit. Tout le monde ne semble pas rassuré pour autant. Michel Becker, le peintre et associé, estime que l'intégrité de la chasse n'est plus assurée. Comme Max Valentin est le seul à savoir où est enterrée la copie, il n'y a plus personne pour aller vérifier discrètement si l'endroit est encore intact. Autrement dit, et pour le peintre, le jeu est terminé. En juin 2014, il commet même un blasphème pour de nombreux chouetteurs lorsqu'il met la sculpture originale de la chouette d'or en vente aux enchères de Drouot. Tout simplement parce qu'il ne veut pas laisser cette charge à ses enfants s'il venait à disparaître. Finalement, la vente est annulée in extremis. Comme la chouette d'or est censée être encore en jeu, l'acheteur potentiel aurait été obligé, par contrat, de l'échanger contre sa réplique en bronze si un vainqueur était venu à se présenter. La sculpture reste donc la propriété de Michel Becker, son œuvre, son fardeau également. Aujourd'hui, un certain flou règne autour de cette histoire. Voilà 9 ans que Max Valentin est mort et de nombreuses hypothèses sont avancées. Et si la chouette avait été déterrée par accident? Et si l'endroit avait été depuis recouvert par un parking, un hypermarché? Et si l'arbuste que Max a planté au-dessus du coffre en 93 était devenu un tronc solide aux racines profondes? Certains chouetteurs, c'est sûr, ont perdu la foi, à l'image de Yvon Crollet. Pendant 20 ans, il a cherché le volatile et il est aujourd'hui convaincu d'avoir la solution, oui, du côté d'un petit village dans le Vercors. Il est bien allé vérifier, mais ses divers coups de pelle n'ont rien donné. Alors, il demande sans relâche à ce que toutes les lettres avec les solutions envoyées depuis des années par les chouetteurs à Max Valentin soient examinées. Ensuite, il suffirait de les confronter avec l'enveloppe, jamais décachetée, qu'a laissé le créateur avant sa mort pour enfin révéler un gagnant éventuel. Le chouetteur en colère a même porté plainte pour escroquerie. Comme beaucoup de joueurs, découragés par des années de recherches infructueuses, il a développé une hostilité pour le volatile. « Si je gagne le trésor, j'en ferai une compression à la César », déclare-t-il. Aujourd'hui, 25 ans après l'enfouissement, personne n'a trouvé l'oiseau de malheur. Maintenant, comment expliquer que cette chasse ait duré aussi longtemps? Philippe Doc, ancien complice de Max Valentin, ainsi que le créateur du jeu lui-même, semble avoir la réponse. Il a fait vraiment des fausses pistes extrêmement tentantes, élaborées, minutieuses. Et le connaissant, il lui a mis le paquet, sûrement, puisqu'il tourne encore en rond. Le fait que les gens se fourvoient dans les fausses pistes, parce que les fausses pistes ont été extrêmement élaborées, je crois que ça, c'était une erreur de ma part au départ. Je n'aurais pas dû autant travailler les fausses pistes. Maintenant, d'un autre côté, une chasse au trésor sans fausses pistes, c'est pas une chasse au trésor, je le dis toujours. Mais elle sera trouvée, quoi. Ça, je n'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. Alors, trouvera-t-on un jour la chouette d'or? Ou aurait-elle fini par lasser? Pas totalement. Aujourd'hui, ils sont encore des centaines à fanfaronner sur Internet et déclarer qu'ils ont enfin trouvé la relique. En tout, on estime à 200 000 le nombre de personnes qui ont à un moment donné tenté de mettre la main sur le petit rapace aux ailes déployées. Et pendant ce temps, que fait la chouette? Eh bien, la chouette dort. Oh, chercheur d'or, tu deviens fou. Tu vois partout des mines d'or. Toi, chercheur d'or, tu tournes en rond dans ta passion des faux trésors. Tu as 20 ans et tu gaspilles ton cœur ardent, tes bras si forts, et puis tu t'endors tout en rêvant que ce qui brille n'est que du vent. Ô chercheur d'or, pense à l'amour, tu l'as toujours fui jusqu'alors. Toi, chercheur d'or, tu n'as rien eu et rien connu que le veau d'or. Laisse tomber ta folle ronde, vis pour aimer, aimer encore. La fièvre de l'or t'a fait lâcher la proie pour l'ombre. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la chouette d'or, la plus grande chasse au trésor jamais organisée en France. Notre invité, Patrick Schmoll, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, docteur en psychologie, ingénieur de recherche au CNRS à l'Université de Strasbourg. Vous êtes également un ancien chercheur de la chouette et vous êtes l'auteur de « Chasseurs de trésors, socio-ethnographie d'une communauté virtuelle » paru en 2007 chez Néothèque. Alors, première chose, et vous êtes, je le précise, à Strasbourg, dans les studios de France Bleu Alsace. Comment avez-vous rencontré cette chasse au trésor? Comment êtes-vous tombé dessus? Je suis tombé dessus, comme vous le dites, c'était un petit peu par hasard. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça du hasard, de la rencontre initiatique presque avec ce type de phénomène. Donc moi, je traversais à l'époque un petit épisode passionnel comme ça. J'avais été délaissé par une femme et j'étais dans un état lamentable. Il y a un ami qui se disait « je peux quand même pas le laisser comme ça, il est en train de se morfondre, je somatisais même ». Et c'est lui qui m'a apporté un jour le bouquin de Michel Becker et Max Valentin sur la trace de la chouette d'or. Et du coup, là, je lis ces énigmes et comme le disait Mickey dans l'entretien que vous aviez avant, on voit que c'est relativement simple, on se dit ça y est, il y a personne qui y est arrivé, mais moi je vais y arriver et on va voir de quel bois je suis fait, c'est fini qu'on se moque de moi. Donc vous voyez, il y a de l'affect quoi au départ. Voilà, c'était un petit peu comme ça que j'ai rencontré la chouette d'or. Vous aviez un pseudonyme? Oui. C'est quoi votre pseudonyme? Vous voulez connaître mon pseudonyme, ouais. C'est ça? Je suis très curieux de mon métier. Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas obligé. Donc, hein. C'est toujours mon pseudonyme, c'est toujours sous ce pseudonyme que je suis inscrit sur le forum, même si je ne le fréquente plus qu'une fois tous les six mois. Donc c'est Jarod, donc qui est le personnage de la série Le Caméléon. Mmh. Voilà. Bon, est-ce que vous étiez persuadé que vous alliez la trouver ou que vous aviez conscience que vous étiez comme tout le monde, comme vous me disiez tout à l'heure, je vais trouver, moi je serai mieux que les autres. Vous étiez optimiste vraiment ou pas? Oui, je pense d'ailleurs que si on n'est pas optimiste, on n'en va pas plus loin que les décryptages de premier niveau. Enfin, on s'accroche. Donc très vite, là aussi, les précédents, donc les personnes que vous avez interviewées en témoignent, on décrypte très vite le premier niveau qui sont des cryptages simples comme les charades. Qui nous mène jusqu'à Bourges, c'est ça, etc. Pardon. Qui nous menait jusqu'à Bourges. B-O-U-R-G-E-S. Voilà, si on prend par exemple cette énigme qui donne comme résultat de la charade Bourges, ça c'est le premier niveau. Il n'y a pas de problème. On devine, on voit tout de suite au résultat qu'on est tombé juste. Et c'est un cryptage. Tandis que il y a une deuxième partie, car la vérité qui s'énonce, là, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin. Là, on est plus dans l'interprétation. Mais au début, on le laisse de côté. On commence d'abord par décrypter, on pense que les petites remarques comme ça incidentes, c'est de l'emballage pour faire joli. Et à un moment donné, on arrive vers les avant-dernières énigmes où là, il n'y a plus que de l'interprétation et où on patauge un peu dans le marécage et on se dit, il faut que je revienne au début. Ah. Et là, on voit qu'il y a un autre niveau, quoi, qui est un niveau plus interprétatif, qui explique d'ailleurs que comme toutes les interprétations sont personnelles et individuelles, tout le monde à ce moment-là part dans tous les sens, contrairement aux cryptages qui, eux, sont relativement univoques. Pour répondre à votre question, oui, j'étais persuadé que j'allais trouver. D'ailleurs, j'ai eu très vite, je crois, au bout d'un ou deux mois, une zone. C'était donc vers Bourges, on est d'accord, au centre de la France. C'est donc bien vers Bourges. Vous parlez de ma zone à moi. Ouais. Ah oui, je suis vers le centre de la France. Hein. C'est pas Bourges, mais c'est effectivement, je fais partie d'un pourcentage assez élevé de chercheurs qui ont une zone plutôt vers le centre de la France. Ok. Voilà. Bon. Ouais. À un moment, vous arrêtez ou pas? Vous continuez? À un moment, je sais pas trop si on s'arrête. Finalement, il y a un moment où on sort de ce que Monglan citait comme du chouettisme, hein, c'est-à-dire des journées où on passe plus d'heures à essayer d'interpréter les énigmes qu'à travailler ou à faire autre chose ou à regarder la télé. Il arrive un point où on est toujours sur cette même solution qu'on a trouvée, à laquelle on s'accroche, qui est suffisamment bien fermée, bien fascinante pour qu'on puisse pas faire marche arrière. On se dit c'est absolument là, mais évidemment il nous manque les derniers pas pour trouver le spot. Et à ce moment-là on laisse traîner, c'est-à-dire qu'on passe à un autre niveau, on échange avec les gens et donc c'est là qu'on va parler un petit peu de la communauté qui se forme. On commence à échanger avec les autres chouetteurs. Il y a autre chose qui se passe. Alors justement, peut-être un petit peu moins de temps. Voilà, justement, donc on verra qu'il y a un moment où le chercheur en sciences sociales reprend le pas sur le chercheur de la chouette d'or, parce que ça devient intéressant de décoder ce qui les fait courir, ce qui vous fait courir finalement, ce qui fait courir des gens qui partent à la chasse au trésor. On verra ça dans 3 minutes après avoir écouté Christine and the Queens, Five Doll. What? Aujourd'hui, affaire sensible, la chouette d'or, une immense chasse au trésor, et on en parle avec notre invité Patrick Schmoll. Alors, je rappelle que vous êtes chercheur en sciences sociales, que vous avez été vous-même chouetteur, comme on dit. Alors, quand je vous ai demandé votre motivation pour vous lancer dans cette course au trésor, bon, vous m'avez expliqué qu'il s'agissait en l'occurrence et pour vous d'un phénomène compensatoire, parce que vous avez une période de votre vie un peu difficile, ouais. Voilà, phénomène compensatoire. Maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui les fait courir tous les autres, parce que est-ce que, au départ, on peut parler d'un retour à l'enfance, chercher un trésor? C'est des fragments d'enfance qu'on vient retrouver. Peut-être que c'est la meilleure façon de pas vieillir, d'aller chercher ces fragments d'enfance. C'est ça qui, aussi, qui a poussé pas mal de gens à se lancer là-dedans? Oui, certainement. Je pense qu'il y a, de ça. Et puis il y a beaucoup de choses. Fondamentalement, c'est un peu une psychanalyse à bon marché. Mais il faut le mettre dans l'ordre logique des choses. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, au départ, quand on se lance dans une chasse au trésor, c'est le trésor tout court. C'est-à-dire que vous avez une motivation triviale qui est la valeur pécuniaire, en quelque sorte, du trésor, qui, en l'occurrence, n'est pas nulle, parce que c'était quand même la première grande chasse doté en France et donc une valeur d'un million de francs à l'époque. Vous voyez facilement avec la bestiole sur le dessus de votre cheminée où vous la voyez monnayer et puis transformer en achat de maison ou que sais-je. Donc il y a ce premier niveau de motivation. Et puis effectivement, au fur et à mesure qu'on rentre dans la chasse, dans la durée, les motivations évoluent. Elles s'affinent, elles se spiritualisent, on pourrait dire. Donc il y a d'abord le passage par la compétition, c'est-à-dire que on est à plusieurs en train de se bagarrer. Il y aura qu'un seul gagnant, que celui qui arrivera à trouver le trésor. Et donc vous avez cet aspect compétition qui est une compétition d'intelligence, de d'astuces. C'est donc un vrai défi, une manière de déterminer qui va être le plus intelligent le plus rapidement. Et à un stade un petit peu plus avancé, c'est finalement une compétition aussi avec soi-même. C'est-à-dire que c'est un exercice qui permet de prendre sa propre mesure, de travailler des énigmes comme ça. On est face à des problèmes comme le sont, je pense, les passionnés de mathématiques, face à des équations. Donc il y a ce plaisir comme ça de découvrir quelque chose qui est caché. Alors on parle de communauté maintenant. Évidemment, oui. Tous ces gens ont la même activité, tendus vers un même objectif, mais ils ne se rencontrent pas ou rarement. Comment ça se passe? Par définition, vous vous rencontrez pas. Au départ, sur le terrain. Je crois que, en plus, à l'époque où j'ai commencé, donc on était, moi, j'ai pris le train en marche en 1997. Mmh. Donc, ça faisait un an que le forum internet existait. Hein, donc, vous avez effectivement raconté que Max Wall avait ouvert donc sur un Minitel, sur le réseau Minitel, mais le forum de la chouette, c'est l'un des premiers forums publics au moment où le web est en train de devenir mondial. Donc, c'est un réseau social à lui seul, quoi. la chouette. Oui, presque. Finalement. Voilà, oui, oui. Donc, c'est aussi la même communauté qui existe sur ce réseau depuis 25 ans. Et alors donc, au départ, on écrit, on échange sur un forum. Donc, les gens utilisent des pseudos. L'anonymat fait qu'on n'a aucune certitude sur l'identité de la personne avec qui on est en contact. Mmh. Et il faut attendre, je crois... Je crois que c'est au bout d'un an ou deux, après que moi je me sois inscrit, qu'il y a eu les premières rencontres physiques, hein, in real life. Une mini chasse au trésor organisée à Paris, et qui consistait à trouver l'endroit où on allait manger le soir. Mmh. Donc il y avait un petit livret d'énigmes, et c'était la première fois que les chasseurs de la chouette d'or se retrouvaient physiquement. Donc voilà. Alors, on va écouter le chouetteur Monglane, puisque vous en avez parlé, on en a parlé, c'est une star de la chouette celui-là. Hein. Nous l'avons déjà entendu dans le récit. Et il parle au micro de France 3 en 2003, écoutez. Dabo est considéré par certains chasseurs comme l'endroit où devrait être enterrée la chouette. C'est un village entouré de forêts, donc le contexte s'y prête très bien. Et d'autres chasseurs, en revanche, considèrent que Dabo, bien que pouvant être une solution de l'une des énigmes, n'a pas davantage de rôle à jouer dans la chouette. Mais c'est vrai qu'il y a une querelle entre les chouetteurs, entre daboïstes, anti-daboïstes, non-daboïstes. Les daboïstes ont laissé des traces parce que, étant convaincus que l'oiseau d'or est enterré à proximité de Dabo, dans une des forêts qui entourent le village, ont fait, sur la base de... déduction probablement erronée, puisqu'ils n'ont pas trouvé la chouette. On fait, malheureusement, de très nombreux trous qui n'ont pas toujours eu le soin de reboucher, ce qui fait qu'à certains endroits, les sous-bois ressemblent un peu à Verdun ou à Beyrouth. Et même des rumeurs courent parmi les chouetteurs que l'autel d'une petite chapelle aurait été, paraît-il, dynamité quelque part en France par un fou. Bon voilà, forcément, ça a généré aussi l'histoire. Alors, je précise que Dabo, c'est en Moselle. Hein. Je dis ça parce que vous êtes apparemment, vous n'êtes pas un daboïste, si j'ai bien compris. Non, vous êtes un centriste, centre de la France. Oui, oui, oui. Alors, cela dit, on peut très, très bien avoir une position par rapport à Dabo tout en ayant une piste ailleurs, quoi, qui mène ailleurs. Oui. Donc, Monglane distingue bien entre les trois positions par rapport à Dabo. Donc, les daboïstes sont ceux qui sont convaincus que la chouette est enterrée quelque part autour de ce village, parce qu'il y a effectivement deux énigmes et peut-être une troisième qui semble y conduire. Donc, ça fait beaucoup. On se dit, c'est pas possible, quoi. Ça, il doit y avoir un lien. Alors, vous avez ensuite les anti-daboïstes qui disent non, ça n'a rien à voir. C'est l'une des fameuses fausses pistes élégantes de Max, mais ça n'est qu'une fausse piste. Donc, ça fait partie du jeu, mais en tant que fausse piste. Et vous avez les non-daboïstes qui estiment que Dabo ne fait pas partie du tout du jeu, c'est-à-dire que leur décryptage à eux ne les mène nullement à Dabo, y compris les deux énigmes habituellement considérées comme y menant. Voilà, moi personnellement, j'ai inventé encore une notion qui est celle de crypto ou de méta-daboïste, c'est-à-dire c'est là où je me situe, qui est de dire effectivement Dabo fait partie de la chasse, mais pas en tant que fausse piste, mais en tant que carte en surimpression qui donne le spot au final. Voilà, c'est voyez, il y a différentes positions qui sont possibles sur cette fameuse piste daboïste. Est-ce qu'on sait combien de chouetteurs il y a eu en France? Ça réunit combien de personnes? On a des données précises là-dessus ou pas? Précises, non. On est obligé de faire des estimations. Oui. Et j'ai sous-titré mon bouquin une étude d'une communauté virtuelle. Virtuelle, absolument. Les communautés virtuelles, c'est un petit peu comme le café du commerce, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont leur stammtisch, enfin leur, comme on dit en alsacien, c'est-à-dire leur table d'habitués, et ils y prennent racine. Il y a ceux qui ne font que y passer de temps à autre, mais qui connaissent quand même le nom du serveur, et puis le nom de telle personne qui connaît telle autre personne. Puis il y a ceux qui n'habitent même pas le coin, qui viennent y prendre un café, qui repartent. Donc vous avez différentes strates ou différents cercles d'appartenance à une communauté. Donc ceux qui vraiment coursent la chouette sur plusieurs années, ça devrait être quelques centaines, pas plus. D'accord. Surtout des hommes. Surtout des hommes, oui. C'est ce que j'ai cru comprendre dans votre livre. Oui. Mais juste pour terminer sur la périphérie, et puis je passe par les différents intermédiaires. Vous avez, on l'a dit avant, à peu près 200 000 personnes qui ont eu à un moment donné le bouquin entre les mains, qui l'ont acheté ou l'ont lu, et qui ont essayé de résoudre les énigmes. Donc c'est une appartenance beaucoup plus faible, mais oui, Ils font partie du périmètre quand même. Assimiler les chouetteurs. Oui. Et quel rapport entretiennent les chouetteurs, ou entretenaient quand ils étaient en vie, avec Max Valentin? Est-ce qu'il était perçu un peu comme un gourou? Oui, un gourou, un maître, et un père fondateur en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que vous avez une chasse qui fonctionne comme ce que Freud aurait appelé la horde primitive. C'est-à-dire que vous avez un père fondateur et une horde de frères qui essayent de prendre sa place, puisque au fond l'inventeur, donc celui qui va découvrir le trésor, ça s'appelle un inventeur. Hein, l'inventeur, ça va être celui qui, ayant décrypté en quelque sorte la parole du père, va pouvoir marcher dans ses traces, c'est-à-dire refaire à l'envers le parcours qu'a fait le concepteur de la chasse. Et donc il va enfiler sans la veste du père, quoi. Et voilà. S'identifier à lui. Et la grande question est de savoir si un jour évidemment on la trouvera. Cette question, je ne vous la pose pas. Évidemment, vous n'avez pas la réponse. Moi non plus. Ça continue, c'est ça qui nous amuse finalement dans cette affaire. Merci infiniment, Patrick Schmoll. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chouette d'or, ce curieux objet du désir. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Nasser Moussaoui qui était à la technique aujourd'hui.